toujours français. Je veux un pays sans armée, sans guerre. Je veux un pays qui pensera toujours mes bobos. Je veux un pays heureux d'un peuple métissé. Je veux un pays qui respecte les Premières Nations. Je veux un pays où les pauvres ont toujours un toit. Je veux un pays où les lesbiennes peuvent se marier. Je veux un pays où la marie serait tolérée. Je veux un pays plus que capitaliste. Je veux un pays qui réparerait l'environnement. Je veux où la politique serait plus qu'un face-à-face. Je veux un pays une fois pour toutes après deux siècles. Je veux un pays une fois pour toutes bien dans sa peau. Je veux un pays fleur d'Élysée au cœur. Je veux un pays pour l'économie on est prêt. Je veux un pays et notre peuple je crois qu'il est prêt. Je veux un pays dont la voix retentirait de paix. Je veux un pays sur les cartes et dans les faits. Je veux un pays et sur l'histoire une vision vraie. Je veux un pays et un futur qui s'ouvrirait. Very own country, and this country's called Quebec.